fortune, logique exclue, hors de ma vue. Je t'aime encore, j'envoie d'abord le cri des villes sur du vinyle. Taxi driver, nœud de vipère, flic solitaire, tombé par terre. Amour porno, chacun sa peau. Je vends du spleen, pure origine. Glisser vers le froid.